Ben oui. Je ne baiserai jamais un homme, sauf en prison. Ce qui suit est un message du Système national d'alerte au public. À 15h34 heure avancée de l'Est le jeudi, Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour le centre du Québec. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes, Drummondville. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage très dangereux pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une balle de baseball, et de la pluie forte. Mettez-vous immédiatement à l'abri, si un phénomène météorologique menaçant s'approche. De nombreux éclairs sont probables, et il y a toujours un risque de tornade avec un orage. C'était un message du Système national d'alerte au public. Maintenant, retournons à la programmation régulière. Ah, par contre, il y a des...